dans les dessous des plages désertes ou surpeuplées, se jouent des histoires de corps plus ou moins dénudés. Des histoires faites de regards, de mouvements, d'immobilité, où tout n'est qu'abandon, lumière et clarté. On s'adonise et s'idéalise, tandis que plaisir et loisir s'éternisent. On s'y relâche, on s'y détend, et l'on se dissout dans le temps. Alors que l'on se laisse brûler par le soleil et l'ennui, le bruit des vagues nous fait glisser vers le sommeil et l'oubli. Perdus dans des visions bordées d'azur, on se met à rêver que ce moment dure. Les étoiles devient de plus en plus intense. Le doux rituel des vagues n'est maintenant plus qu'un murmure. On espère alors